Merci d'écouter nos programmes. Il est 13h30 et voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, retour en Inde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Inde sort d'un passé colonial. Le passé et la suite. Ce sont les contraintes géographiques de l'espace indien qui sont à l'origine très largement de la compréhension de son histoire. La question du pouvoir. La population vote encore beaucoup en fonction de leur caste et pour des élus de leur caste. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Alors, je suis Stéphanie Tawala-Mareval, je suis politiste au CNRS et je suis affiliée au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, qui est un laboratoire CNRS-EHESS à Paris. Je suis spécialiste de la démocratie indienne. Et dans la démocratie indienne, j'ai travaillé sur les femmes, sur les villes et plus récemment sur la participation. On se disait, ou vous me disiez plus exactement juste avant l'ouverture de ce micro, beaucoup de sollicitations en ce moment dans les médias pour venir parler de l'actualité politique en Inde. Et c'est très difficile, me disiez-vous, parce qu'il s'agit de faire passer le message et d'amener à comprendre des auditeurs, ou des téléspectateurs en l'occurrence, qui le reste du temps n'ont pas le nez penché sur les innombrables partis politiques, sur les innombrables personnalités masculines ou féminines en Inde. Il faut réussir à réunir le tout. Alors, quelle est votre recette, si toutefois vous en avez une? J'ai pas de recette. J'aime bien commencer à dire chaque fois que je parle de l'Inde en général que je vais forcément faire des raccourcis parce que on peut pas imaginer que l'Inde est comparable à la France. Si on pouvait comparer l'Inde avec quelque chose, ça serait plutôt l'Europe. Donc il faut imaginer quand on parle de l'Inde et qu'on dit en Inde, la politique c'est comme ça, les femmes c'est comme ça, les villes c'est comme ça, c'est comme si on disait en Europe, les femmes, la politique, etc. Ça induit à peu près le même niveau de simplification. Donc les simplifications, c'est inévitable, c'est nécessaire, il faut bien parler quand même. Mais voilà, je revendique un petit peu d'avoir au moins le temps de préciser, de donner à voir, à comprendre un peu la complexité extrême de la société indienne, qui est non seulement très très grande, enfin c'est une population très très grande, mais c'est une société très complexe parce que multiculturelle, parce que multilingue, multireligieuse, etc. Parmi vos tout derniers ouvrages, 2018, vous avez travaillé sur la participation. En quelques mots, la participation touche à quel domaine? Elle touche le domaine de la politique? Alors oui, mais c'est nouveau. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la démocratie indienne a été fort peu participative. Enfin, le référendum, par exemple, n'existe pas dans la constitution indienne. La démocratie était pensée quasiment exclusivement sous le mode de la représentation. Ce qui compte, c'était vraiment les élections, la représentation politique au sens classique, on pourrait dire. Et puis cette idée de la participation, de la nécessité de développer à côté de l'élection d'autres moyens pour les électeurs et les citoyens d'intervenir dans les décisions qui gouvernent la communauté. Cette idée s'est imposée petit à petit à partir du début des années 1990 avec la décentralisation, qui a cherché à mettre en place par la loi des assemblées consultatives, en quelque sorte, à la fois dans les villes et dans les villages. Ça n'a pas été très loin. Mais cette idée a fait un retour en force dans certaines villes, et notamment à Delhi, depuis 2013, avec la montée, l'émergence sur la scène politique indienne d'un parti d'un genre tout à fait nouveau et d'un parti qui se réclame de Gandhi et qui revendique le projet de régénérer la démocratie indienne en développant la participation et une forme de démocratie directe. Et c'est sur ce parti que j'ai travaillé. Une sorte de néo-gandhisme, on dirait? Alors, ça irait trop loin parce que ce parti s'approprie certaines des idées politiques de Gandhi, mais il laisse quand même beaucoup de la pensée gandhienne de côté. Mais oui, le parti utilise des mots clés comme Swaraj en hindi, ça veut dire l'autogouvernement, l'autonomie en quelque sorte, et fait un peu des clins d'œil au moment de l'histoire politique indienne où le Mahatma dominait la scène politique, pour promouvoir l'idée que l'Inde a besoin aujourd'hui d'une deuxième révolution, d'une deuxième décolonisation, ces élites qui confisquent le pouvoir, ce ne sont plus les colonisateurs britanniques, ce sont les gouvernants, les politiciens gangrenés par la corruption. Enfin, c'est un discours qu'on retrouve également en Europe, qui sonne de façon assez familière, mais qui, dans le contexte indien, peut se réclamer d'une source historique proprement indienne. J'allais dire qu'il sonne réseaux sociaux. Vous y voyez là également la conséquence directe en termes civiques des transformations technologiques qui nous entourent? C'est plus une conséquence. Enfin, ce parti qui a émergé à Delhi, qui s'appelle le Aam Aadmi Party, qui veut dire en hindi le parti de l'homme ordinaire, c'est un parti qui est composé de nouveaux venus en politique, de gens jeunes, qui, pour beaucoup, sont très à l'aise avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui, en ce qui concerne les cadres, sont souvent titulaires d'un diplôme universitaire dans ce domaine. Et c'est vraiment un parti qui a délibérément construit sa force de mobilisation sur l'usage des réseaux sociaux et qui utilise des référendums en ligne, qui utilise beaucoup les réseaux sociaux pour faire remonter en quelque sorte les opinions des électeurs vers les cadres dirigeants. Sa résonance est-elle pour le moment essentiellement urbaine, on l'imagine? Oui, c'est un parti qui est vraiment né à Delhi, qui a très rapidement gagné les élections à Delhi à la surprise générale, qui ensuite a voulu se projeter, qui lors des dernières élections générales, donc en printemps 2014, a affiché des ambitions pan-indienne, des ambitions nationales, mais ses ambitions ont été tout de suite douchées, refroidies, en quelque sorte. Voilà. Donc, voilà, il a eu 4 sièges au Punjab, mais il est revenu à Delhi avec une victoire très très large et c'est un parti très intéressant à étudier. Stéphanie Tawalama-Reval, vous avez écrit un article sur lequel nous allons revenir aujourd'hui, « Les femmes et le pouvoir exécutif en Inde ». Alors, une mise en garde que vous m'avez faite juste avant l'ouverture de ce micro pour me dire, écoutez, moi je ne suis pas historienne, je suis politiste plus essentiellement, les 30 dernières années ça me va, avant c'est quand même relativement plus incertain, oui je peux à grand trait. On va peut-être commencer par du gros trait, alors si vous le voulez bien. C'est que c'est vrai que quand on pense et quand on parle ou quand on évoque femmes politiques en Inde, un nom vient à l'esprit, et encore probablement pas à l'esprit de tout le monde, c'est celui d'Indira Gandhi, c'est une sorte de figure tutélaire qui fait probablement une grande ombre, mais vous dites dans cet article, elle est loin d'être la seule. Certes, la femme en politique, ce n'est pas une chose si fréquente que cela, mais il y a quand même beaucoup de cas sur lesquels on peut se pencher, et c'est ce que vous avez fait dans votre article. Alors cet article, c'était une commande en fait. Il s'agissait de s'interroger sur la place des femmes dans le pouvoir exécutif en Inde. Et j'ai trouvé la commande intéressante parce que au moment où on me l'a faite, je venais de terminer ma thèse qui portait sur la représentation politique des femmes, ce qui n'est pas exactement la même chose. Je m'étais vraiment interrogée sur le nombre de femmes élues, qui étaient ces femmes, quel était leur profil sociologique, qui elles prétendaient représenter, etc. Et là, il s'agissait de regarder les femmes au pouvoir. Donc c'était une question liée, mais pas tout à fait la même. Indira Gandhi, bien sûr, était pour moi, comme je pense pour toute personne qui commence à travailler sur ce sujet, une entrée incontournable. Ceci étant posé, le travail que j'avais fait dans ma thèse m'a permis de savoir d'emblée que elle était un peu l'arbre qui cache la forêt, même si c'est une forêt pas très très dense. Non, pas très dense. La forêt des femmes de pouvoir, c'est une forêt, je dirais, composée de grands arbres diverses, mais pas forcément très dense. Et que cette forêt, elle doit beaucoup à la façon dont l'Inde a atteint son indépendance. Et on revient à lui encore une fois, à la place de Gandhi dans le mouvement pour l'indépendance de l'Inde. Gandhi étant vraiment le leader de ce mouvement à partir en gros des années 1920, et Gandhi ayant et partageant avec d'autres leaders comme Jawaharlal Nehru ou Subhas Chandra Bose, mais donc Gandhi partageant cette idée, enfin portant cette idée selon laquelle pour que l'Inde nouvelle voie le jour, il était essentiel que les femmes y soient pleinement associées au projet politique indien. Et donc c'est ce discours et les stratégies de mobilisation qui allaient avec, parce que Gandhi était un communicateur politique hors pair et il inventait en permanence des stratégies de mobilisation. Il connaissait bien la vie des gens de l'Inde et notamment des paysans et des paysannes. Il inventait des images, il trouvait des métaphores qui résonnaient immédiatement auprès des femmes. Peut-être. Alors par exemple, il faisait appel à l'épopée du Ramayana. qui raconte l'histoire du dieu Ram, qui est vraiment une pièce centrale de la mythologie hindoue. Et au-delà même de la religion, une histoire très connue, connue de tous et de toutes. Et donc, l'héroïne de cette épopée, c'est Sita. C'est la princesse qui épouse le dieu Ram et qui, lorsque Ram est contraint à l'exil, est contraint de quitter son palais, de partir dans la forêt, accompagne son mari et se révèle en tout point au long de cette histoire très compliquée, une épouse parfaite. Donc Sita, c'est vraiment l'idéal féminin assez traditionnel. Et Gandhi disait aux femmes de l'Inde, vous êtes comme Sita. Normalement, une femme, notamment une épouse, ne sort pas dans la rue, ne se mêle pas avec des hommes qu'elle ne connaît pas, etc. Mais quand les circonstances l'exigent, eh bien Sita a quitté son palais. Sita est partie dans la forêt à vivre en exil. Sita s'est battue contre les démons, etc. Eh bien, comme Sita, vous, les femmes de l'Inde, vous devez vous battre pour obtenir ce qu'il appelait Gandhi, qui était quand même quelqu'un de très religieux, le royaume de Ram. Pour lui, Ram Raja, c'était la façon d'évoquer l'Inde future, l'Inde telle qu'elle serait, débarrassée du colonisateur britannique. Et cette stratégie de mobilisation a marché. C'est-à-dire que le mouvement anticolonial, le mouvement pour l'indépendance de l'Inde, est vraiment marqué par rapport à d'autres mouvements comparables par une participation très forte des femmes, à la fois par la place importante des femmes parmi les manifestantes, parmi les gens qui constituaient ces processions derrière Gandhi, et à la fois dans la visibilité, c'est-à-dire que très vite le parti du Congrès, à la tête duquel se trouvait Gandhi, a placé des femmes comme présidentes de façon très régulière. Voilà, donc d'emblée, l'Inde indépendante est née dans le contexte d'un discours politique qui valorisait énormément la présence des femmes dans la vie politique. Stéphanie Tawala-Maraval, dans les années plus récentes, disons à partir des années 80, il semble que ce phénomène de présence féminine dans le paysage politique global est extrêmement varié, que constitue l'Inde, puisqu'il y a d'un côté le pouvoir central et puis par ailleurs les différents États, se soit vu renforcé, et notamment par des choix politiques. Est-ce que vous pourriez peut-être nous indiquer quel va être le facteur d'accélérateur qui va permettre aux femmes de devenir peut-être plus nombreuses dans le monde politique qu'auparavant ? Effectivement, l'Inde est un État fédéral, hein, c'est l'Union indienne. Quand on regarde justement les positions de pouvoir dans cette Union indienne, bon, il y a évidemment la position de Premier ministre. À ce jour, Indira Gandhi est la seule femme à avoir occupé cette position. Mais la position de ministre en chef d'un État fédéré, et on compte aujourd'hui 28 États fédérés en Inde, plus 7 territoires de l'Union, qui sont des États plus petits, qui n'ont pas tout à fait les mêmes prérogatives que les autres États. Donc quand on regarde les États fédérés, eh bien la position de ministre en chef, qui est en quelque sorte celle de chef de gouvernement d'un État fédéré, est également extrêmement puissante. Surtout depuis la libéralisation économique du début des années 1990, qui s'est traduite, et ça a été bien montré par Lorraine Kennedy notamment, qui est une économiste, cette libéralisation économique s'est aussi traduite par une marge de manœuvre accrue pour les ministres en chef des États fédérés. Donc c'est le moment où cette position de ministre en chef est devenue encore plus importante. Et effectivement, ce que j'ai observé en écrivant cet article, c'est que à partir de la fin des années 1980, on a de plus en plus de femmes qui deviennent ministres en chef. Alors, l'attirance pour le pouvoir, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais on peut imaginer que l'attirance pour le pouvoir, elle était là avant aussi. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Je n'ai pas en tête un facteur prédominant. Mais le fait est que c'est le moment où de plus en plus de femmes accèdent à cette position, même si elles restent une minorité, hein, même si on a eu au maximum 5 femmes ministres en chef sur une trentaine d'États. Mais enfin, ces États, ce sont pas les moindres. Ce sont souvent de grands États, comme l'Uttar Pradesh ou le Rajasthan au nord, le Tamil Nadu au sud. Et ce sont parfois, de façon alors vraiment paradoxale et surprenante, les États de cette Hindi Belt, de cette zone où l'on parle hindi, et qui est un bastion du patriarcat en Inde. Donc c'est vraiment, c'est très paradoxal. C'est paradoxal, en effet. Oui. C'est très paradoxal et c'est un paradoxe qu'on retrouve à plusieurs étages, c'est-à-dire que le Bihar, le Rajasthan, l'Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, qui sont des États du Nord qui ont la réputation d'être très conservateurs, sont non seulement des États qui ont été dirigés par une femme, mais sont aussi les États qui, aujourd'hui, ont le plus de femmes parmi les élus. Est-ce que ce mouvement est transcourant ? Oui, je pense qu'on peut dire qu'il est transcourant. Encore une fois, on a des partis qui tiennent un discours plutôt très patriarcal, très conservateur. Je pense au Rashtriya Janata Dal, qui est un parti régional, mais enfin un parti présent au Bihar. Et le Bihar, c'est ce très grand état du nord de l'Inde, donc c'est pas rien. Donc ce parti a placé à la tête du Bihar, à deux reprises, une femme, Rabri Devi. Mais cette femme, il faut le dire, était l'épouse du président du parti, Lalu Prasad Yadav. Et elle n'a été mise à ce poste de ministre en chef du Bihar que parce que son mari était empêché, parce que, étant accusé dans un scandale de la corruption, il fallait qu'il se défende, il était emprisonné, etc. Suspicion, donc. Suspicion, oui, comme toujours. De toute façon, j'aurais tendance à dire, après avoir lu pas mal de travaux sur les femmes et la politique, que ce soit en Inde ou ailleurs, qu'elles sont toujours soupçonnées d'être là pour de mauvaises raisons. Il est vrai, dans le cas de Rabri Devi, qu'elle était là pour de très mauvaises raisons. Son exercice du pouvoir n'a pas été particulièrement catastrophique, mais n'a pas été particulièrement bon non plus. Mais ne pas être là pour de bonnes raisons, ça a sans doute un grand nombre de personnels politiques de par le monde pourraient s'y retrouver. Encore faut-il que les urnes soient remplies, et pour elle, ça a été le cas. Donc on a fait confiance sur la renommée de son précédent mari, qui était peut-être fort apprécié. Et du coup, le vote a naturellement suivi, c'est comme ça qu'il faut l'entendre ? Oui, c'est ça. Elle a hérité de la popularité politique de son mari, mais ça a été un héritage provisoire. C'est-à-dire que dès que son mari, Lalu Prasad Yadav, a pu revenir aux affaires, Rabri Devi, mère d'une grande famille, très occupée par sa maisonnée, très peu éduquée, très en difficulté en fait dans l'exercice du pouvoir, s'est retrouvée de retour à la maison et c'est vraiment son mari qui a repris la place sur le devant de la scène politique. Je souris un peu, Stéphanie Tawala-Maraval, parce que votre article nous amène à esquisser les profils de quelques-uns, des profils tout au moins, du personnel politique. Là, je mettrais homme comme femme. On y voit là des stars, des héritiers ou héritières. Je me suis demandé si une star masculine ou féminine de Bollywood avait fini par faire carrière en politique. Il faut sans doute s'y attendre. Je vous vois hocher la tête positivement, c'est le cas ? On a essayé. Alors les stars de cinéma qui ont fait carrière en politique, il y en a. Et ça a été de superbes carrières. Mais c'était plutôt des stars d'Hollywood, c'est-à-dire le cinéma tamoul. Pour ce qui est de Bollywood, Amitabh Bachchan, par exemple, qui était avant Shah Rukh Khan, la plus grande star masculine de Bollywood, a tenté, à un moment donné, de se lancer en politique. Il s'est présenté aux élections. Ça n'a pas très bien marché. Donc, il a arrêté. Ce que je voudrais dire, c'est que en proposant cette typologie dans cet article, en parlant de stars, de princesses, de religieuses aussi, je crois, je voulais en fait contrer l'idée selon laquelle justement, si les femmes arrivent au pouvoir en Inde, c'est forcément parce qu'elles sont des héritières, parce qu'elles sont femmes d'eux, comme Rabri Devi dont je parlais, parce qu'elles sont filles d'eux, comme Indira Gandhi, dont tout le monde sait ou croit savoir que c'est la fille de Jawaharlal Nehru, donc le premier ministre de l'Inde. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'héritage, oui, c'est une ressource politique importante, peut-être plus importante en Inde qu'ailleurs, parce que la famille a une légitimité très forte en Inde aujourd'hui encore. Et qu'on considère qu'un individu, qu'il soit d'ailleurs de sexe féminin ou masculin, peut légitimement prétendre porter un héritage politique. Mais il y a d'autres ressources. Et donc, le cinéma, qui, avec ce star system très très développé, enfin le cinéma populaire suscite une adoration des foules très très intense. Adoration, ah oui. Oui, qui se transfère ensuite quand l'acteur star devient politicien ou politicienne, eh bien, il ou elle devient un politicien star ou une politicienne star. Et je donnais dans cet article l'exemple de Jayalalitha Jayaram, qui est donc une actrice qui a été la maîtresse d'un grand acteur, d'un acteur star, qu'on appelait MJR, parce qu'il a un nom, Tamoul, très long, et c'est la raison pour laquelle souvent les gens utilisent leurs initiales pour se désigner. Jayalalitha était la partenaire à l'écran de MJR. Ils ont joué ensemble dans un grand nombre de films où elle était souvent d'ailleurs la femme amoureuse qui le poursuit de ses assiduités. Et puis lui, à un moment donné, a quitté le cinéma pour se lancer en politique. Ça a très bien marché. Il est devenu ministre en chef de l'État du Tamil Nadu, grand État du sud de l'Inde et un des plus prospères, un des plus développés aussi en Inde. Et Jayalalitha, elle aussi, a tenté d'entrer en politique avant même la mort de MJR. Mais pour elle, c'était un peu compliqué parce que si MJR pouvait faire un transfert entre le personnage qu'il incarnait à l'écran, c'était un homme du peuple qui poursuivait la justice, qui poursuivait des causes justes et qui se battait contre les méchants et qui forcément triomphait à la fin. Eh bien, Jayalalitha, quant à elle, incarnait, bon, je l'ai dit, une femme amoureuse et donc une femme plutôt légère quand même, ce qui pouvait poser problème une fois qu'elle se lançait en politique. Et la carrière politique de Jayalalitha est tout à fait extraordinaire parce que Jayalalitha réussit à la fois à se poser comme héritière de MJR en arguant de leur relation amoureuse, qui était donc une relation illicite. MJR était marié avec une autre femme et elle a dû en même temps se dissocier du personnage qu'elle incarnait à l'écran. Donc, elle a raconté comment sa mère l'avait poussée à être actrice, comment elle-même était assez réticente à jouer ce genre de rôle, et comment elle était désormais, maintenant qu'elle était sortie du cinéma, décidée à poursuivre des buts plus sérieux. Et ça a marché. Pour des raisons qu'on a du mal à comprendre quand on connaît bien l'Inde et qu'on voit l'Inde depuis le Nord, parce que Jayalalitha, en fait, a défié un certain nombre de conventions qui paraissent majeures dans la société indienne. Elle s'est imposée alors qu'elle était actrice, alors que de surcroît, elle jouait des rôles de femme légère, alors qu'elle était connue comme la maîtresse de l'homme de pouvoir. Et à la mort de MJR, il y a eu une petite compétition entre Jayalalitha et l'épouse légitime de MJR pour la captation de l'héritage politique. Et c'est Jayalalitha qui l'a eu. Et ce qui est encore plus étonnant peut-être, c'est que quelques années après la mort de MJR, Jayalalitha s'est installée dans sa... Elle a mené une magnifique carrière politique, elle a été élue à l'Assemblée, elle est devenue ensuite chef du parti, ministre en chef, et elle s'est installée avec une femme, son amie, qui était présentée comme son amie IE dans les journaux, sans que jamais personne ne questionne la nature de cette relation. Enfin, c'était clairement un couple. Ça marchait parce que voilà, Jayalalitha avait cette popularité extrême. Et quand elle est morte, il y a 2 ans, je crois, plusieurs fans, adorateurs, se sont immolés pour exprimer leur désespoir. Autre question que vous posez dans cet article intitulé « Les femmes et le pouvoir exécutif en Inde », Stéphanie Tawala Malraval, c'est celle-ci, les femmes au pouvoir agissent-elles en faveur des femmes ? Et cette question-là, je vous la renvoie notamment au regard de ces séquences apparemment relativement nombreuses répercutées par les médias concernant la question des viols. Quelques femmes en politique, certaines femmes en politique, agissent-elles dans ce qui semble être aujourd'hui quelque chose qui agite particulièrement la société, à moins que ce ne soit les médias qui fassent frémir quelque chose qui n'est peut-être qu'isolé. Donnez-nous quelques éclaircissements là-dessus. La question du viol a trouvé un retentissement particulier à Delhi et par phénomène d'écho dans l'Inde tout entière en décembre 2012 avec cette histoire atroce d'une jeune étudiante qui a subi un viol collectif terrible qui l'a menée à la mort des suites de ses blessures quelques jours après ce viol. Ce viol et cette mort ont suscité immédiatement des protestations d'une ampleur complètement inédite en Inde, c'est-à-dire que les gens se sont rassemblés pendant plusieurs semaines, tous les soirs, pour manifester leur colère, leur honte. Et c'était la première fois que ce problème de la violence sexuelle contre les femmes, qui est un vieux thème du féminisme indien, hein, que les organisations féministes travaillent depuis longtemps, et notamment depuis la deuxième vague du mouvement indien des femmes, c'est-à-dire depuis les années 1970, c'était donc la première fois que ce thème suscitait la mobilisation via l'indignation d'une grande partie de la population, au-delà des féministes et même au-delà des femmes, c'était des hommes et beaucoup de jeunes qui se rassemblaient comme ça, soir après soir. Et donc, effectivement, on a vu là qu'il y avait une tolérance qui n'était plus là, qui n'existait plus, en tout cas en ce qui concerne certains types de viols, dans certaines circonstances. Et c'est un moment où, effectivement, la classe politique dans son ensemble, femmes comprises, a très mal réagi. C'est-à-dire que, d'abord, les leaders politiques ont réagi très lentement. Et puis, on a entendu des commentaires, notamment par Sushma Swaraj, qui est une femme leader du Bharatiya Janata Party, le parti nationaliste hindou actuellement au pouvoir. Et Sushma Swaraj est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères de l'Inde. À l'époque, elle n'était pas encore ministre. Et elle a déclaré à ce moment-là que le viol, c'était un fléau en Inde parce que une femme violée est comme un cadavre vivant. Et ça, ça lui a été beaucoup reproché par les féministes, bien sûr. Mais voilà, ça a été un moment où on a vu que les leaders politiques, y compris les femmes leaders, n'arrivaient pas à prendre mettre une position, mots. Voilà, très clairement féministe là-dessus. Ceci dit, dans cet article, j'ai cherché à voir quelles avaient été les positions des femmes d'Indira Gandhi, Premier ministre, et puis des femmes ministres en chef sur un certain nombre de questions féminines. Et j'avais déjà observé que la plupart de ces femmes leaders politiques évitaient en fait de se positionner comme féministes, ce qui est compréhensible dans la mesure où elles constituent une toute petite minorité et où les thèmes féministes étaient considérés comme secondaires, voire sectaires parfois. C'était mettre en danger le peu de légitimité qu'elles ont que de se positionner sur ces questions-là, à une exception près, qui est celle de Sheila Dixit. Sheila Dixit, qui a été ministre en chef de la ville-état de Delhi pendant 15 ans, qui était ministre en chef quand ce viol est arrivé, quand les protestations ont suivi, et qui a été victime, à mon avis, d'une certaine d'un traitement un peu injuste de la part des manifestants, qui l'ont mise dans le même sac que tous les autres, alors que c'est une des rares, c'est même la seule parmi les femmes ministres en chef que j'ai regardées quand j'ai fait cet article, mais je l'ai fait en 2006, je crois. C'était la seule qui avait délibérément lancé des programmes d'éducation, par exemple, d'éducation des conducteurs de rickshaw ou des conducteurs de bus, pour les inciter à lutter contre le harcèlement sexuel dans ces lieux cruciaux, les transports publics, pour les femmes. À ce moment-là, on n'a pas entendu Sheila Dixit, elle était tout simplement pas audible. Vous redonnez le titre de votre dernier ouvrage, titre d'une part, et éditeur également. Alors ça s'appelle « Les avatars de la participation en Inde ». C'est un livre qui est publié aux éditions du Croquant en novembre 2018. Et donc, sous-titre « Forme et ambiguïté de la démocratie participative ». C'est ça. Un thème ô combien d'actualité. C'est ça. À bientôt donc. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. À partir de demain, Sébastien Farcy, correspondant en Inde pour la RTS, nous proposera deux états des lieux. L'un quant à la personnalité du leader actuel, Narendra Modi, dans la perspective du prochain documentaire d'Histoire Vivante, Modi, leader digital, le second état des lieux concernant l'histoire. Comment celle-ci est-elle racontée dans les manuels scolaires et que représente-t-elle comme enjeu ?